babes na tisu de mette vida la maman on kawa goti ma de pie yewe so atombe la morte fue na pie wete ma de ya mama on kawa do mi soa yewe so atombe la morte fue na pie wete ma de ya mama on kawa do mi soa. Comme ça, musicien jaloux, mon Dieu. Wait, été malade. Un capable de mi maman. Mais oui, maman, moi. Batan, dada. Papa, bandomi. Batan, dada. Papa, bandomi. Wap, un gros batouel. Ou batan, dada. Même si ou pas joigne un batouel. Ou apren un gros grage. Ou agrage, dada. Bon, papa, bandomi. Bratan. Avant, on met dormir dans la vie, planche.